بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. Malheur à tout diffamateur médisant qui amasse les richesses et se plaît à les compter. Croit-il que sa fortune le rendra immortel? Eh bien non, il sera jeté dans un feu dévorant. Et quel feu dévorant! نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. C'est le feu allumé par Allah. Il va au fond des cœurs. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. Et se referme autour d'eux par de longues travées enflammées.